Chapitre 13e. Ma main n'a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, j'aurai mal. Le sang qui en coulera sera de la même couleur que le tien. Nous sommes tous deux enfants du grand esprit. Standing Bear, Mashunaza. La dernière étape de notre voyage devait nous conduire à proximité de la pointe du dragon couché en passant par les gorges du silence. Nous avions passé la matinée à parcourir les crêtes. Après une très légère collation, nous descendions à présent le versant d'une ravine assez abrupte. Par moments, on devinait les méandres de la rivière de Trollbat qui serpentait plus bas en dévoilant subrepticement le scintillement des eaux. Cela faisait plusieurs heures que nous marchions. Une certaine tension régnait au sein du groupe. Je connaissais déjà assez bien certaines tactiques de défense des elfes pour comprendre qu'un danger rôdait on ne savait où, mais il était présent, palpable. Je le devinais à travers les regards échangés et les attitudes de chacun. Chaque craquement de brindilles était prétexte à une vigilance accrue, à un détour, à une attente silencieuse. À mi-chemin, après un échange bref de paroles avec Svarine et le roi, Dinmour partit furtivement de l'avant. Le silence complet qui règne parfois en Elphinie nous accompagnait. Un silence étrange, habité par une vibration que j'avais appris à ressentir. Je percevais ce silence étrangement profond, cette non-attente, comme une suspension dans l'espace et dans le temps. Finalement, nous arrivâmes à la rivière. Comme nous étions en vue de la berge, je sentis dans mon dos un choc brutal, comme un poids soudain venant de très loin. Tout chavira autour de moi. Une violente et sourde angoisse m'étreignait soudain et semblait sur le point de m'engloutir. Je vis le roi Imrold qui ouvrait la marche, se retourner, avec ce qui me sembla être une lenteur extrême. Son regard, comme un halo de lumière lointain, s'empara de mon esprit et de ma volonté. Pourquoi Svarine et Yacht sortaient-ils tout d'un coup leur épée en se précipitant vers moi? Un bref combat s'engagea d'une violence inouïe. Je voyais les visages de mes amis à travers une orbe incandescente, leurs visages tendus, inquiétants, implacables. Du reste, je ne me souviens pas vraiment, sinon que je me retrouvais tout d'un coup libéré de ce poids et de cette étrange angoisse. Lorsque je pus retrouver l'usage de mes pensées et de mon corps, j'étais assis sur un rocher près de la berge. Le roi se trouvait devant moi, nimbé de cette lumière rayonnante qui l'enveloppait parfois. Dans sa main, il tenait un fragment pierre de lune sous forme de cristaux verticaux de plusieurs dimensions qu'il passait au-dessus de moi. Je sentais de temps en temps des crispations au niveau de mon dos. Peu à peu, à chaque passage de la pierre, l'ampleur de l'angoisse qui m'étreignait diminuait d'intensité alors que les contractions dans le dos disparaissaient lentement. Je m'aperçus soudain que je n'étais pas la seule à avoir été touchée par cet étrange maléfice. Ylvgur était assis lui aussi sur un rocher voisin. Ulgar lui donnait des soins, lui faisant boire un élixir qui se trouvait dans une étrange fiole ronde, elle aussi en pierre de lune. J'avais du mal à parler. Le roi me fit signe de ménager mes forces. Machinalement, je regardais aux alentours. Nos compagnons étaient tous là. Yacht, le visage inquiet, me regardait, les yeux étincelants d'une flamme intérieure. Elle me salua d'une légère inclinaison de tête et me fit signe silencieusement de ne pas bouger. Svarine scrutait la rivière, l'épée haute. Il indiqua sans un mot le cours d'eau. En aval de la rivière, je vis Dinmour sur une large barque blanche à double voile. Il scrutait le rivage et guidait l'embarcation vers un large rocher qui, je le constatai au moment d'embarquer, avait été taillé à la façon elfique, afin de permettre un esquive de s'amarrer. Il arrivait avec une escorte de quelques drachnites qui, d'après ce que j'appris plus tard, nous attendaient plus bas où l'accostage était plus aisé. Les nouveaux arrivés saluèrent avec grande déférence Varine et Yacht, puis, étrangement, ne firent qu'incliner la tête devant le roi. Celui-ci, tout aussi simplement, hocha brièvement la tête en ordonnant de m'escorter jusqu'à la barque. Deux gardes m'accompagnèrent jusqu'au bateau, au centre duquel était une cabine confortable assez large pour accueillir plusieurs personnes. Le sage Ulgar, qui accompagnait Ylvgur, nous conseilla de prendre un moment de repos. Si Ylvgur ne semblait pas encore avoir retrouvé toutes ses forces, sa verve habituelle était revenue, et il préféra aller sur le pont avec toute la compagnie et les gardes afin d'enquêter sur la situation, me confia-t-il. Je ne pouvais pour ma part rester en place et me poser 1000 questions sur cet événement mystérieux. Je me décidai finalement à sortir lorsque le roi entra dans la cabine. Sans un mot, le visage grave, il me fit signe de le suivre. Dehors, le soleil était encore haut. La rivière qui en amont serpentait à travers les vallées et les combes, en affrontant des rapides et des cataractes plus ou moins franchissables, commençait à s'élargir lentement. Les immenses séquoias, peu à peu, laissaient la place à des pins, des mélèzes et des épicéas qui rehaussaient la beauté sereine du paysage par des variétés de couleurs flamboyantes qui ne se trouvent que rarement, même en Elfinie. Çà et là, on apercevait des massifs colorés allant du jaune au pourpre. Plus haut, des taches bleutées indiquaient des massifs de bruyères et de ces œillets minuscules qui donnent aux pins de fruits, dont les elfes sont si friands, cette saveur poivrée et capiteuse. Parfois, lorsque le vent tournait au fil des méandres de la rivière et de la profonde vallée, des fragrances de forêts, de bois et de senteurs alpestres arrivaient jusqu'à nous. Tout semblait si paisible, si calme. Le grand roi me guida jusqu'à la proue de la large barque. De là, on percevait plus que jamais la somptuosité du lieu. J'allais poser une question lorsqu'il tendit le doigt vers d'immenses falaises qui se dessinaient de chaque côté des berges. Lorsque nous passerons les portes du silence, nous serons en territoire Ofnit. Vous ne serez plus en danger, dit le roi. J'osais à peine demander. Ce n'est pas Thuli, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas Thuli. Je répétai avec émerveillement. Ce n'est pas Thuli. Elgara, noble fée. Visiblement, le roi Imrold cherchait ses mots. Je posai ma main sur son bras. Il se tourna vivement vers moi. Soudain, je pensai à ce même geste que lui-même avait eu après le départ de la douce reine Odeline sur le navire qui nous emmenait à Arnancor. J'étais alors dans un profond désespoir. Je plongeai avec confiance mon regard dans le sien. « Vous me direz plus tard ce que je dois savoir ?» Le roi hocha la tête puis se tourna vers l'aval du cours d'eau, le regard lointain. Après quelques instants de silence, je rajoutai à voix plus basse « Merci de m'avoir sauvé de ce maléfice. » Nous restâmes un instant le regard tourné tous deux vers l'océan que l'on ne voyait pas, puis le roi commença. Ce n'était pas un maléfice. Tout ce qui tente de m'éloigner d'Elfinie est un grand mal pour nos deux peuples. Je vis comme un soulagement dans le regard du grand roi. Que pouvait-il expliquer de ce que lui-même, sans doute, n'appréhendait pas encore totalement? Il semblait étrangement apaisé par cet indéfectible lien que je proclamais encore malgré le danger. Nous restâmes un long moment dans ce calme, savourant, comme seuls des elfes peuvent le faire, ces instants de profonde quiétude. La rivière, après s'être considérablement élargie pour former une espèce de retenue d'eau, se resserrait soudainement alors que la vallée luxuriante disparaissait pour laisser la place à deux immenses falaises enserrant le cours de la rivière. Au moment de s'engager dans le défilé noyé dans un épais brouillard, on fit arrêter la barque. Le grand roi se pencha hors du bastingage et plongea sa main dans l'eau. Svarine fit de même. Un léger mouvement se fit autour de l'embarcation et celle-ci se dirigea, comme portée par des mains invisibles, vers un îlot situé au milieu du défilé, à une encablure de là. Le roi et Svarine descendirent sur l'îlot qui sembla disparaître complètement tant le brouillard se fit intense. Quelque temps après, Svarine remonta à bord par la courte échelle de bâbord. Il me demanda de le suivre avec ses seules paroles prononcées d'une voix, dans laquelle restait encore gravée la surprise de la requête dont il se faisait ambassadeur. Le peuple Ofnit souhaite se faire connaître de l'Elgara. Pour qui connaît les peuples tout-puissants de l'Elfinie, cela signifiait courtoisement que l'Elgara devait se présenter devant le peuple Ofnit afin de savoir s'il serait autorisé à poursuivre sa route. Même accompagné du grand roi Imrold, il semblait difficile de circuler en territoire Ofnit. J'acceptai avec une certaine appréhension. La descente vers l'îlot fut mal commode et augmenta cette sensation que j'ai toujours en terre elfique de ne pas être à ma place. Au bas de l'échelle de corde, Savarine me guida vers le centre du minuscule îlot, puis, me tendant une sorte de coquillage, m'expliqua. Nous devons descendre pour rencontrer les représentants du peuple Ofnit. Voici une réserve d'oxygène pour vous permettre de franchir le portail. Ensuite, vous pourrez vous en passer. En fait de coquillage, il s'agissait d'une conque lorsque je la pris dans mes mains. Ce qui me sembla être une anémone de fer sortit timidement ses pédoncules qui s'enroulèrent autour de mon poignet avec une extrême délicatesse. Je fus saisi de cette douceur et de cette fragilité extrême que je sentais en elle. Je ne pus m'empêcher de la caresser et de lui susurrer ma joue contre sa coquille. « Que tu es belle et si douce !» L'anémone frétilla d'une manière coquette qui me fit sourire. Savarine s'apprêtait à me montrer comment positionner le coquillage, mais à peine l'eut-il approché de mon visage que la fleur marine tendit gracieusement ses longues tiges vers mon nez, et ce fut sans aucune crainte que je l'acceptais. Aussitôt, comme pour le collier du prince Irimald, je sentis un bien-être m'envahir. Le masque n'en était pas un. C'était une symbiose agréable et complice, telle qu'il en existe tellement entre les différentes créatures en Elphinie. Savarine m'indiqua d'étroites marches moussues qui descendaient sur une des minuscules grèves du rocher. Je rentrai rapidement dans l'eau. Mes yeux s'habituèrent rapidement à cet environnement aquatique. J'eus plus de mal avec la fraîcheur de l'eau qui me sembla glacée, mais peu à peu, mon corps l'accepta. Ma respiration était fluide et revigorante. C'était une sensation étrange, totalement inattendue. Le moment était trop grave pour que je puisse réellement goûter le plaisir de cette première sortie avec ma nouvelle amie aquatique qui contribua si subtilement à ma rencontre avec le peuple de la mer. Singulièrement, je ne flottais pas ni ne nageais. Un mystérieux courant s'était emparé de moi et m'emportait vers les profondeurs. Quelques instants plus tard, Savarine, qui m'avait précédé, était arrivée devant une volée de marches qui s'enfonçait dans le fond de la rivière. Là, tout aussi inexplicablement, au seuil des marches, l'eau était comme repoussée par un autre courant. En arrivant au bas des marches, nos vêtements étaient secs. Savarine m'indiqua comment enlever le coquillage. Presque à regret, je déposai mon ami anémone dans une vasque pleine d'eau et de plantes aquatiques, puis suivis Savarine. Ce monde souterrain était tel que je l'avais déjà connu dans les grottes aquatiques des territoires Ofnites, qui jouxtent les plaines bleues au sud-est d'Arnancor. Là, je rencontrais certains représentants Ofnites. Notre entrevue eut lieu par télépathie, le monde sous-marin ne permettant pas la même communication que celui où l'air porte la vibration de la parole. Notre entrevue fut longue. Les Ofnites posèrent beaucoup de questions sur le pourquoi et le comment j'étais arrivé en terre elfique. Ils sondèrent mon esprit aussi loin qu'ils le purent. De toute façon, j'étais et suis toujours incapable de mettre des fermetures mentales assez puissantes, même si j'ai depuis lors appris à gérer cet aspect de ma communication. Je savais que les Ofnites étaient le plus réfractaires à une entente avec les gens d'Humania. À la fin de l'entrevue, ils me demandèrent si j'étais consciente de ce qui se passait en ce moment en Elphinie. J'eus un moment d'hésitation, mais ils étaient si profondément ancrés dans ma pensée qu'ils élurent immédiatement la réponse que je n'aurais pas donnée si j'avais eu le choix. La guerre contre l'ombre vient de commencer.